le maréchal s'excuse auprès du duc de cette traîtrise, se réjouissant de trouver dans le duc un fils digne de son père. Et, avant qu'il essaie de justifier sa traîtrise, le laquais, qui a emporté le petit soldat de bois, apparaît à l'écoute dans l'entrebâillement du salon du duc. Tout a recommencé, toujours. On recommence, deux fois, trois fois, et puis, c'était de la démence. À cheval, sans jamais desserrer les genoux. À la fin, nous étions trop fatigués. Le laquais. Et nous ? Le duc et Marmont. Hein ? Le laquais. Et nous, les petits, les obscurs, les sans-grades, nous qui marchions fourbus, blessés, crottés, malades, sans espoir de duché ni de dotation, nous qui marchions toujours et jamais n'avancions, trop simples et trop gueux pour que l'espoir nous berne de ce fameux bâton qu'on a dans sa giberne, nous qui par tous les temps n'avons cessé d'aller, suant sans avoir peur, grelottant sans trembler, ne nous soutenant plus qu'à force de trompettes, de fièvre ou de chansons, qu'en marchant, on répète. Nous, sur lesquels pendant 17 ans, songez-y, sacs, sabres, tournevis, pierres à feu, fusils, ne parlons pas du poids, toujours absent des vivres, on fait le doux total de 58 livres. Nous qui coiffés d'oursons, sous les ciels tropicaux, sous les neiges, n'avions même plus de shako, qui d'Espagne en Autriche exécutions des trottes, nous qui pour arracher ainsi que des carottes nos jambes à la boue énorme des chemins, devions les empoigner quelquefois à deux mains. Nous qui n'avions le temps, quand un bel officier arrivait au galop de chasse, nous criait « L'ennemi nous attaque, il faut qu'on le repousse !» que de manger un blanc de corbeau sur le pouce, ou vivement, avec un peu de neige encore, de nous faire un sorbet au sang de cheval mort. Quel est donc ce laquais qui s'exprime en grognard ? Le laquais, prenant la position militaire. « Jean-Pierre Séraphin Flambeau, dit le flambard, ex-sergent grenadier vélite de la garde, né de papa breton et de maman picarde, s'engage à 14 ans, l'an 6, 2 Germinal, baptême à Marengo, galon de caporal, le 15 Fructidor en 12, bas de soie et canne de sergent, trempé de pleurs de joie, le 14 juillet 1809, ici, car la garde habite à Schönbrunn, et sans souci, au service de sa majesté très française. Total des ans passés, 16. Campagne, 16. Bataille, Austerlitz, Elo, Somosierra, Egmühl, Essling, Wagram, Smolensk, etc. Fait d'armes, 32. Blessures, quelques-unes. Ne s'est battu que pour la gloire et pour des prunes. Vous n'allez pas ainsi l'écouter jusqu'au bout. Oui, vous avez raison, pas ainsi, mais debout. Flambeau reprenant. Or, un jeudi matin, dans le parc de Saint-Cloud, le maréchal du Roc, la dame de service, regardait votre Altesse, usée d'une nourrice si blanche, il m'en souvient, que j'en reçus un choc. Approche ! Me cria le maréchal du Roc. J'obéis. Mais j'étais troublé par trop de choses. L'enfant impérial, les grandes manches roses de la dame d'honneur, ce maréchal, ce saint. Bref, mon plumet tremblait en mon bonnet d'oursin, si bien qu'il intrigua les yeux de votre Altesse. Vous le considériez rêveusement. Qu'était-ce ? Soudain, m'étant penché, je sentis, inquiet, que vos petites mains tripotaient mon plumet. Le maréchal du Roc me dit d'un ton sévère « Laissez faire sa majesté !» Je laissais faire. J'entendais, ayant mis à terre le genou, rire le maréchal, la dame et la nounou. Et quand je me levais, toute rouge était l'herbe, et j'avais pour plumet un fil de fer imberbe. « Je vais signer un bon pour qu'on t'en rende deux, » dit Duroc. Je revins au quartier radieux. « Eh, psst, là-bas ! Qui donc m'a déplumé cet homme ?» dit l'adjudant. Je répondis, « Le roi de Rome. Voilà comment je fis connaissance un jeudi de votre majesté. Votre Altesse a grandi. » « Non, je n'ai pas grandi. C'est bien là ma tristesse, puisque sa majesté n'est plus que son Altesse. » Flambeau apprend alors au duc après quels avatars il a atterri en Toscane auprès de la comtesse Camarata et a comploté avec elle pour amener le duc à Paris. Eh bien, moi sans pouvoir, sans titre, sans royaume, moi qui ne suis qu'un souvenir dans un fantôme, moi, ce duc de Reichstadt qui, triste, ne peut rien qu'errer sur les tilleuls de ce parc autrichien, en gravant sur leur tronc des haines dans la mousse, passant qu'on ne regarde un peu que lorsqu'il tousse. Moi qui n'ai même plus le plus petit morceau de la moire si rouge, hélas, dans mon berceau. Moi, malade, exilé, prisonnier, je ne peux galoper sur le front du régiment pompeux en jetant au héros des astres. Mais j'espère, j'imagine, il me semble enfin que, fils d'un père auquel un firmament a passé par les mains, je dois, malgré tant d'ombre et tant de lendemain, avoir au bout des doigts un peu d'étoile encore. Jean, Pierre, Séraphin, Flambeau, je te décore. Le duc découvre alors que Marmont fait donc partie du complot, ce qui ne lui fait pas spécialement plaisir. Mais, avant que n'aboutisse ce complot, la fuite du duc, le duc doit assister le lendemain soir à un bal organisé par Metternich. Pour convaincre le duc à la fuite et lui prouver qu'il est attendu en France, Flambeau lui présente alors toute une série d'objets à l'effigie ou à la gloire du duc de Reichstadt. Mais on vient d'annoncer l'arrivée de son grand-père, Franz, l'empereur d'Autriche, auprès duquel le duc a promis de tout essayer d'abord.